Vous avez un problème, nous avons un podcast. Hey. Il invite sur le piton. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion. Tu voulais dire quelque chose, Mathieu? Non, j'ai juste dit wow. Pas de problème. Oui, ici Frédéric Barbouchy en compagnie de Mathieu Bouillon. Hey, tu changes l'ordre. Ben oui, toi. Première fois en 160. Ben oui. Ouais, 153. Jean-Philippe Durand. Salut, Fred. Et Antoine Vézina. Hey, salut la gang, comment ça va? Comment ça va, toi? Hey. Ah, moyen. C'est dur le punch de la fin, hein? Non, tout à fait, je me mets trop de pression. Ouais. Depuis quand? Ah, tu faisais des punchs? Ben oui, comme la fois que j'ai fait Sayonara. Ah oui, d'accord. T'as fait Gangman Style oui, aussi. Oui, oui, oui. Je pense qu'on devrait faire un montage de tout ça. Des référents qui vont tous bien vieillir. Oui. Un après l'autre. Ça. Il manque juste le Aha Family Prix. Là. J'aurais pu faire ça aussi. Dans le temps, hein, les Hop Cascades. On les a toutes faites. Crème Bodwig. Crème Bodwig. On est déjà parti dans le vif du sujet. Wow. Oui. Non, mais il y a peut-être des gens qui se joignent à nous pour la première fois. Donc, bonjour. Je m'appelle Salut. Frédéric. Allô. Non, pas de problème, c'est une balado-diffusion disponible à chaque semaine où on prend un problème recueilli sur Facebook ou ailleurs et puis on tente d'y trouver plusieurs solutions, parfois loufoques, parfois très intéressantes. Mm. Et voilà, c'est un service public. Voilà. Oui, oui. Gratuit pour l'instant. Exactement. Et d'ailleurs, si on a des voix veloutées aujourd'hui, c'est grâce à Boily Boileau. Oh, l'homme velours. Oui, merci de nous accueillir chez toi. les sons Boily Boileau, c'est ça? Oui. Alors, on se rappelle du slogan Boily Boileau pour l'électro. Et voilà. Il est muet. Hey. Non, il est dans une cabine derrière. Ouais, il fait signe. Donc, messieurs, on fera le gagnant à la fin du concours « Comment changer le monde avec le moins d'efforts possible ». C'est bien énorme. À la fin. Ouais. Ben oui, parce que c'est tellement stressant, on ne pourra pas faire le vrai. Ben oui. Faites donc semblant. Tu n'es jamais allé voir la page. Hey, c'est pas vrai. Moi, j'ai bien vu que Daniel Proulx n'avait écrit aucune réponse. Encore une fois. Tu l'as bien souligné aussi. Oui, le pire dernier effort. Pas ça, je veux dire. Pas d'effort. Elle n'a pas fait d'effort. Ouais, bon, elle ne gagnera pas non plus. Non. Mm-hmm. J'espère. Et pourtant, elle gagne tout. Elle devrait gagner des choses. Mais aujourd'hui, on a un problème, messieurs. Et il nous vient de Jean-Philippe. Oui, c'est ça. On a un problème ici qui nous vient de Julie Surprenant, mais pas celle qui s'est fait enlever, elle dit. Donc, c'est pas celle-là. Bonjour, pas de problème. J'ai un problème qui me suit toujours car il provient de mon nom. Je m'appelle Julie Surprenant et je ne sais plus quoi dire aux gens qui me demandent si c'est vraiment mon nom ou qu'est-ce qui est arrivé avec celle qui s'est fait enlever à Terrebonne il y a une douzaine d'années. Encore pire, il y a ceux qui disent « Super, on t'a retrouvé ». Je ne la connais pas et je ne suis ni plus ni moins affecté par sa disparition que si je m'appelais Martine Poitras. Je ne suis pas la seule personne inconnue qui porte un nom connu et c'est au nom de tous mes comparses que je vous demande de trouver une méthode qui évite les remarques, questions et slash ou jokes entendues mille fois lorsque nous nous présentons. Merci à l'avance. Voilà, écoutez, c'est un vrai problème, ça. Un problème surprenant. Oui, Quelle affaire. Donc, la disparition de Julie Surprenant est un des faits divers qui a fait couler le plus d'encre dans les 15 dernières années au Québec. C'est une adolescente disparue en novembre 1999, vue pour la dernière fois à l'île Saint-Jean à Terrebonne, à son arrêt d'autobus. Alors, son corps n'a jamais été retrouvé et les policiers ont toujours soupçonné Richard Bouillon. Hein? Oui, ton Attends, frère. C'est pas vrai. Un homme au lourd passé judiciaire qui vivait dans son immeuble, mais ils ne sont jamais parvenus à l'épingler. Mais Richard Bouillon a finalement été condamné en 2003 pour une autre peine de prison. Une autre affaire d'agression sexuelle. Pour Jolène. Mais, comme vous le savez peut-être, il a avoué par la suite. À une infirmière. À une infirmière qui pensait que la police était au courant. Mm-hmm. Elle s'est bien aperçue que non. Elle l'a dit. Là, le secret professionnel s'en est mêlé. Oui. Ah oui? Oui, les infirmières ont dit on n'a pas le droit d'en parler à cause du secret professionnel. Maudit. Et le père de Julie Surprenant, qui est évidemment très actif dans le domaine, a demandé de changer la juridiction et tout ça. Ah, et donc, ben... il aurait avoué ton frère. Ben, c'est pour ça qu'il vient plus à Noël. Maman m'avait dit qu'elle était au ciel des chiens. D'ailleurs, Mathieu, cette infirmière-là m'a dit que tu avais de très vilaines selles. On n'avait pas le droit de le dire. À Star, elle dit tout. Hein? Dit tout. Star, et voilà, 2013, tout, tout, tout. Ça dérape. Oui. Non, mais oui. Il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes comme ça. Je me rappelle d'un épisode de... c'est quoi déjà le on quiz? On sait jamais rien d'autre que les Simpsons. C'est sûrement non, les non. Simpsons. Non, le quiz avec Grégory Charles. Là. Tous pour un? Non, c'est... Oui. Sans... Que le meilleur gagne. Que le meilleur... Gang! Qui a arrêté la carrière de Geneviève Anger. Oh oui, la première qu'elle a perdue. Anne Dorval, oui, je me rappelle. Oui. C'est la question. Oh. Okay. Non, mais ils ont fait un spécial une fois où c'était que des gens qui ont des noms connus. Arrête! Oui. C'est Rock Voisine. Vous avez répondu. Il y avait vraiment un Rock Voisine. Ah, c'est drôle. Mais Rock Voisine, il faut le faire en ouais. style. Parce que comme il y avait eu les gens coutus au. Oui, oui, oui. Ouais. Où ça? C'était... Paquet Voleur. Oui. Ah ouais. C'est d'une tristesse. Ouais. Moi, ben, on se réunit, nous, les Frédéric Barbouchi, à chaque année. Comment ça va, ça? Ça va très bien. Ils sont plus de 9400. Ça doit leur causer de vilains problèmes, les autres Frédéric Barbouchi, hein? Ah oh, ouais. Hein? Ils sont... ouais. Ils font tant, ouais. Le nombre de niaiseries que je dis. Mais non, c'est ça, il y a plusieurs personnes. Et évidemment, elle, je pense que c'est un peu plus difficile vu que. Ah oui, mais là, si tu associé à une vedette, on a connu un Jean Charest à l'époque, pour ne pas le nommer. Ouais. Ah oui. Qui s'appelle maintenant Jean-Antoine Charest pour ne pas le nommer. Exactement, ouais. Oui, c'est vrai. C'était tout le temps ça, Jean Charest. Mais avant, c'était Jean Charest. Ça cause d'autres genres de problèmes, là. Ouais. Ou avoir le même nom que quelqu'un, courrier, des affaires comme ça. Ben moi, je pense que je l'ai peut-être conté cette histoire-là, mais. Moi, quand j'étais à Rimouski, j'avais gagné des concours de dictée tout ça. Puis Bouillon, c'est quand même un nom qu'il y a beaucoup dans ma région, dans le bout de Rimouski. Fait qu'il y avait un gars qui s'appelait Mathieu Bouillon. Oui, je pense que je l'ai croisé. Oui, oui, qui fait maintenant... Il faisait Carou. Lucky, la mascotte de l'Océanique. Ouais. Mais il faisait aussi la mascotte du carousel. Du carousel, oui. Mathieu Bouillon. Oui, donc toujours est-il, sa grand-mère, en lisant dans le journal qu'il avait gagné des concours de dictée, il avait comme payé des affaires. C'est drôle. Ah, ouais. Et qui m'a souvent remercié pour ça. Puis toi, il y a le joueur de hockey aussi, ça t'est arrivé dernièrement, non? Francis Bouillon. Il n'y a pas d'affaire avec Bouillon, là, le nom de famille? C'est mon oncle, en fait, qui s'était présenté au conseil municipal de Joliette et qui avait dit dans sa campagne qu'il était le cousin de Francis Bouillon. Puis c'est pas vrai, c'est pas les mêmes Bouillons. Fait qu'il y avait eu comme un dératum dans le journal pour dire que c'était pas vrai. Puis il a pas gagné ses élections. Il avait tout attrapé les Bouillons. Il parlait aussi de Bouillons de fondu. Il essayait d'attraper cette popularité-là. Richard Bouillon aussi, il a essayé de se l'approprier. Ça n'a pas marché. C'était la fin de l'histoire. Nous, on écoutait Scoop à la maison en famille, à l'époque. Ah ouais? C'était complètement un autre angle. Et là, soudainement, il y a un personnage qui arrive. C'est le chef de la direction de Scoop. Mm-hmm. Comment il s'appelle? Antoine Vézina. Paul Vézina. Ah, c'est ton père! Oui! Raymond Bouchard qui jouait ça. On trouvait ça drôle à chaque fois. Ah ouais. Il faisait « Paul Vézina, viens ici! Ah, » c'est drôle quand même. Ah ouais, hein, y a quand ça. T'as un personnage qui porte ton nom. Ah ouais. Puis étais-tu fait avec François Noël, lui? Je me souviens pas, mais je pense que oui. Ah oui, Cercueil. Moi, j'ai une solution de même, là, que je pitch, qui me passe par la tête. Vas-y. Si elle a un chat ou un chien, un animal, tu... Ouais, j'ai un peu le rhume, fait que je respire fort. Oui. Alors, si elle a un animal, peut-être lui donner un nom encore plus connu que le sien. Oui. Comme le chat Ginette Renault. Oui, c'est ça. Là, c'est ça, tantôt, je niaisais, mais pas un autre cas, un autre cas similaire à celui de Julie Surprenant. Mais, Cédrica. Cédricha. Provencha. Oui, pourquoi pas. Mais l'appeler, mettons, Milou. Fait que tout le monde dit, c'est lui, non, c'est pas lui. Ah oui, c'est un nom. Mais donc, la stratégie, c'est de détourner l'attention sur le chat. Mettons. Détourner. Ou sinon, j'ai checké en espagnol, parce que surprenant, ça peut se traduire, c'est quand même un mot. Ah. Oui. Tu sais, si elle commence à changer son prénom comme Julia Sorprendente. Personne ne va s'en rendre compte. Cette jeune espagnole disparue en 98. c'est terrible. Non, mais peut-être que dans une langue où ça ressemble moins, puis faire Moi, je change maintenant. Ouais. Appelez-moi Julia. Un peu comme la chanteuse Ima, que je pense son vrai nom, c'est Julie quelque chose. Qui non, était c'était la... iMac. Ah oui, c'est ça. Ça y causait de... iMac est un problème. Ouais. Non, mais tu sais, peut-être que Julie pourrait s'appeler comme une onomatopée. Excuse-moi. Oui, excuse-moi. Ouais. Ouais, j'ai fini. Mac. Oui. Ah. Ouais. Mais elle pourrait s'appeler d'une onomatopée ridicule, elle aussi, comme Barlou ou. Ah, non, il y en a une. Ouais. Ouais. On en a déjà parlé. Lou Béga. Ah, il y en a un. Dans un autre podcast, mais changer de nom. Demandez donc. Demandez au gouvernement de changer de nom. Ah oui, ça ouais. Se fait. Ça il y se en fait. A, oui. Mais c'est une raison valable. C'est de bonnes raisons. Ben, Julie surprenant. Tu penses que c'est une assez bonne raison? Peut-être. Ouais. C'est bien de prouver là, que tu as eu des c'est préjudices. C'est sûr, c'est une assez bonne raison, je pense. Julie surprenant, tu sais. Ça, où tu la retrouves, ouais. Une fois pour toutes. Tu clôt l'affaire. Ah, ben oui, là, si tu closes la patente, ça va... Ah, mon Dieu. Ça va mourir de sa belle mort. Si tu clôt le dossier. Hey boy. Mathieu, je savais déjà que tu allais brûler en enfer, mais je sais que ça va faire plus vite que ce à quoi on s'attendait. Je ne peux pas croire. Bon, OK. Ouais. Je reviens, là. Tantôt, j'ai dit qu'elle pouvait s'appeler Barlou, ouais. Mais il y a d'autres onomatopées qui peuvent être funnées, là. Nomza, je vais te dire ça. OK. Winga. Oui, il y en a. Ja. Non, c'est très, très bon. Ja 2. Ja 2. C'est bon. OK. Ça, c'est bon. Non, mais il y a aussi peut-être préparer les répliques possibles à on l'a retrouvé ou tu sais que faire ah, oui. Vraiment filer cheap la personne, mais à un point tel que ça a des répercussions sur les autres personnes qui sont à côté d'elle. Il n'y a personne qui, veut, qui va vouloir refaire ça. Oui. Ou elle pourrait même dire, tu sais, mettons, mon vrai nom, c'était Martine Amiot. Mais ce drame-là m'a tellement touché que j'ai fait changer mon nom pour elle. C'est comme si je tenais la main. Comment? C'est comme si je tenais la main. C'est comme si je tenais la main. Martine. Ou tout simplement, comme Jean-Antoine Charest, doit avoir d'autres noms sur son baptistère. Ouais. Marie. Enregistré. Marie Surprenant. Marie Surprenant. Oui. J-Marie Surprenant. Mais c'est Julie très surprenante. Pour évidemment se marier et puis prendre le nom de son mari. C'est... Ah, non, ça se fait dans plus. Un autre pays. Ah oui. Comme aux États-Unis, par exemple. Ça se je pense que tu prends encore le bon. Ouais, bon. Ben, les bons vieux surnoms, là. Appelle-moi Joe Soup. Ouais. Ouais. Appelle-moi la disparue. Mais dans la plupart des formulaires, maintenant, il y a surnom quand même. Ah ouais. Ouais. Ce qu'il n'y avait pas avant, là, tu sais, maintenant, il y a ça. Ouais. Fait que tu peux marquer ça. Puis, Mais c'est pas un surnom. C'est un nain. Je pense que c'est le deuxième nom. C'est le deuxième nom. Ouais, tant qu'à faire. Parce que moi, d'habitude, j'écris Frédéric, Funky Boy, Barbouchi. Non, mais ça arrive souvent. Vous rentrez aux États-Unis. Oui. Mais souvent, ils mettent en plus. Quand tu t'envoies des formulaires, mettons Apple, quand tu rentres tes affaires, ils t'envoient le middle name, même si toi, t'as mis ça. Salut, Mofo. C'est ça. Mofo. Fred Mofo. Elle pourrait prendre le nom maternel de la mère, peut-être. Il y a ça. Julie, je sais pas si c'est. Je sais pas. Dissocier les deux, du moins. Oui. C'est un peu ça. Parce que même, ben, Julie, c'est moins pire. Mais tu sais, tantôt, j'ai dit Jolène, là, mais on a une amie Jolène qui. Oui. Même juste avec le prénom, les gens faisaient. C'était Jolène Riendo. Hein, ouais, c'est ça. Mais sa mère, c'est Payette, son nom. Fait que okay. Julie Payette. Non, je change pas. Non! Il n'y a rien qui marche. Dans les deux cas, ils sont dans le ciel. Ah! Hein? C'est beau ça, Mathieu, à la limite. Oui. Ouais, tu t'éloignes des flammes. Oui. J'allais au ciel aussi. Déménager, bien sûr, là, c'est peut-être un peu drastique. Ouais, mais c'est ça. Ben, en même temps, faut pas laisser ton nom avec lequel tu as grandi, tout ça, tu sais, du jour au lendemain, c'est difficile. Ah, pas tant. Ça dépend pour qui. Il y en a qui accordent beaucoup d'importance à ça, moi, personnellement. Si quelqu'un que je connais pas beaucoup se trompe avec mon nom, tu sais, jamais je vais le reprendre. Toi, Max Power? Oui, c'est ça, exact. Oui. Mais ouais, non, mais ça, se tromper avec son nom, ça, on. C'est que le dit mal. On s'habitue. C'est dur de dire mal mon nom. Là, ouais. Arrête, moi, sur un tournage, la productrice m'a appelé André pendant 50 ans, je pense. Oui. Ouais. La première fois, j'ai rien dit. La deuxième, non plus. J'ai dit, bon, il est trop tard. Oui, elle m'appelle toujours André. Hey, André, salut. Oui, ça va, toi? Ah, j'ai eu un Sébastien, moi, une fois. Comme Sébastien. Puis là, t'as quelqu'un qui te connaît clairement à côté, qui te regarde, tu fais. Excuse-moi, c'est Frédéric. Ouais, c'est un peu étonnant. Parce que. Non, Sébastien, c'est pas pire en plus. Quand j'étais en secondaire 5, j'avais un band. Ah ouais? Ça s'appelait Band and Breakfast. Puis on avait joué à mon propre bal de finissant à l'hôtel Rimouski. Puis le technicien de son, il avait... C'est full plate, pourquoi je compte ça? La chanteuse s'appelait Marie-Pierre. Puis il avait dit, c'est quoi ton nom? Elle avait dit, Marie-Pierre. Fait que là, il avait écrit, OK, Bibiane. Bibiane. Fait que ça m'a l'homme ferré pour toujours. Bibiane. Ah, mais ça, moi, je participais au... Festival de jazz. Oui. Puis là, t'avais Dominique Hamel, Pierre-Olivier Champagne et François Barbouza. Je sais pas comment ça s'est rendu, mais dans le programme, c'est écrit François Barbouza. C'est ridicule. C'est... Mais tu l'as utilisé, ce nom-là, Barbouza. Ah oui, j'ai utilisé longtemps. Ouais. Mais quelle époque. Moi, on m'a déjà parlé de toi comme Barbescu aussi. Frédéric Barbescu. Barbescu. Oui, il y avait ça. Mais ça, moi aussi, j'ai déjà entendu ça. Genre, qui t'a dit ça? Des noms d'artistes. Oui. Ouais, je sais pas dans quel domaine, là, on parle. Oui. Pods, Zumba, je sais pas trop, là, on en connaît. Prince, donne des noms. Kamala. Prince, formerly known as. Elle pourrait s'appeler Princesse. À mon agence, il y a une Xenia. Une affaire comme ça. Ah. Elle travaille-tu beaucoup? Oui, elle travaille. Dans un domaine. On la salue, on la salue. Et depuis quand elle est Princess Warrior? un domaine où on change de nom, c'est. Évidemment, en pornographie, tu sais. Ah, il y a ça? Belle idée! Julie Surprising! C'est pas ton premier animal domestique puis le nom de famille de ta mère? Non, ouais. La rue où t'es né habituellement. Ah ouais? OK. Ouais. Moi, c'était Sherlock Alouette. La rue où je suis né, moi, ça ferait Jack Ovid Clermont. Ah! Oh. c'est un peu littéraire. Ouais. pour l'activité. Ouais. Mais c'est pas sinon, ça... Ouais, OK. Ouais. Ah, c'est drôle d'imaginer. Ah, comment, les gars? Ben non, mais là... Huitième rue! Tu vois bien que ça marche pas. Mais c'est drôle d'imaginer les coulisses de tournage. Tu sais. Ah, Jack Ovid Clermont m'a déchiré. Mm-hmm. Une chance que Sherlock Alouette était là. Allez, ça pogne tout, ces micros-là. Hein? Incroyable. C'est de la qualité. Merci encore, Boileau. Le Sandman, il rit. Ça change des mots, des fois. Je pense que Mathieu n'a pas voulu dire ça. Non. C'est ça qui est sorti. Ouais. J'essaie de voir, là. Rajouter une lettre aussi, ça se fait, là. Tu sais, comme notre ami... Julia? Ouais. Mais tu sais, Guillaume Lemay, tu sais, qui a quand même rajouté un C pour... Je pense que son deuxième nom, c'est vraiment Clovis. Ouais. Mais c'est ça, il utilise... Ouais. Julie B. Surprenant. Là, quelque chose du genre. Ouais. Pourquoi mais pas? C'est ouais. Moins, mais c'est toi un domaine où tu utilises juste le nom de famille. Oui. Capitaine Surprenant. Ah oui. Ou l'avion. Maître Surprenant. Maître Docteur. Si tu deviens médecin, personne va le savoir. C'est ça. Docteur Surprenant. Maître Surprenant. Ça ferait un bon personnage de trauma. Parce que c'est un nom qui veut déjà dire quelque chose. Ah oui, ben oui. Ça pourrait être un personnage qui plaît de surprise. C'est Docteur Surprenant. Ouais. Ou le docteur Fat Boncoeur, puis le docteur Touchette. Ou sinon, elle pourrait jouer. Oui. Ou elle pourrait avoir sa propre sitcom cheap des années 80, où ça serait quelque chose comme Simply Julie. Tu sais, genre. Ah oui. Tu sais, puis ça serait comme fofolle un peu, là, tu sais. Oh, that's Simply Julie. Elle est peut-être fofolle déjà, on sait pas. Oui. Quoi qu'avoir le nom d'une morte, t'es pas fofolle d'habitude. Elle est juste disparue. Mais pour éviter les remarques aussi, là, mettons qu'elle garde son nom, éviter les remarques, une fois qu'elle dit son nom, bonjour, non, Julie Surprenant, elle poursuit avec, en criant quelque chose ou en échappant de quoi, pour pas entendre la joke plate, faire passer le moment où la personne peut dire sa joke plate. Ah oui, genre, quelque chose qui va détourner l'attention. C'est là. Ça. Hold up, disons. Un hold up! C'est ça! Ouais. Celui-là surprenant, fusil. Celui-là surprenant, clic! La même que. C'est ça. Qui Ou je suis Julie Surprenant, dites le diable! Oui, ça marche. On a des bonnes pistes! On a des bonnes pistes! Mais on t'a coupé tantôt. Quoi? Mais c'était bon. Tu disais, trouvons-lui des répliques qu'elle peut dire tout de suite. Ouais, c'est mettons, ça. Ouais, c'est bon, ça. Qu'est-ce qui serait bon à qu'elle réponde, mettons, à « Ah, oh, c'est-tu toi, elle a disparu? » Non, c'est ma sœur. On avait le même nom. Ouais, c'est ça. Ou, non, toi, il disparaît. Ouais. C'est-tu bon, ça? Très bon. C'est-tu toi, elle a disparu? Bon. Non, toi, il disparaît. Toi, il disparaît. Ah, vous répondez « Oui, mais vous êtes la seule à le savoir. » Oh, oui! À chaque personne. C'est bon. Je l'ai posé à personne. Ou genre, c'est bon, ça. Oui, ouais, c'est ça. Un petit clin d'œil. Elle n'a jamais changé son nom. C'est vraiment elle. Ah, c'est drôle. Ou toujours se traîner un verre de lait. Puis quand elle se fait dire cette joke-là, elle prend une gorgée puis elle se fait sortir du lait par le nez comme si c'était écœurant ce qu'elle avait entendu. Ouais, ah. Le gag. Oui, oui. C'est surprenant. Ah, oui. Puis, mais voyons! Du lait par le nez, ça marche toujours. Ou hey, se traîner une flashlight, toujours. Fait que genre, Julie Surprenant, si tu te veux la morte, elle se l'ouvre en dessous de la face. Oui! Hein? Rien. OK. Elle coupe son autre famille en deux, fait qu'elle dit toujours « Oui, c'est Julie Surprenant. » Ah oui. Est-ce que c'est en un mot? Oh, oui, c'est en un mot. Oui. Tu sais, elle va au moins sauter l'explication de... Ouais. Ou coller d'autres, tu sais, genre « Julis ouais. Urprenant. » Oui, Jules Issure. C'est vraiment compliqué. Ah oui. Jules Issure. On sent que c'est Issure, mais je les colle les deux. Je colle le « i » le « e ». Ah oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est drôle. Julie Sûr. Julie Sûr. Prenant. Prenant. Madame Prenant. Julie Sûr. Prenant. Ah, c'est-tu vous, là, disparu? Ouais. Attends, comment ça se dit? Dans monde. Oui, Jules Issur Prenant. Ah, c'est drôle. Je suis ici, attends. Oh, qu'est-ce que t'as? J'essaie de. Ben, voyons donc. Faire jouer un fichier. Étonnant. Surprenant. Ah. Surprenant. Surprenendo, c'est en portugais. Ah. Ah. Surprenendo. Super Nintendo. Ça, voilà. Ça Nintendo. Salut, je m'appelle Julie. Super Nintendo. Ouais. Et elle se fait moins écœurée, tu penses? Oh, ouais. Ouais. C'est toi la console de jeux vidéo. Hey. Ouais. Flashlight. Oui. Oui. Tu dirais salut à celle de... Ouais, j'avais pas mis de sang dans Mortal Kombat 2. Là. On en a parti. Arrêtez. Arrêtez avec ça. Genesis, il y en avait. Ouais. C'est moi passé. C'est toi la console vidéo? Non, c'est toi. C'est ça. C'est drôle, ça. Ouais, prends ta place, Julie. Ouais, comment? Ouais, c'est tout, là. Attitude. Je pense que tout passe avec l'attitude. Ah oui, genre. Non, c'est pas moi, mais je vais te la faire oublier. Puis là, elle devient comme full bonne. T'sais. Moi, c'est Julie Surprenant. Si tu me poses une question, je te rappe la face dans la clôture. Oui. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ouais. Ça, mon nom. Hey. Tantôt, là, l'animal de Mystique, là. Cléo. Cléo! Cléo! Cléo! Ça m'a fait pleurer de 7 à 14 ans. Ouais. Ou avoir quelque chose là, d'épatant toujours sur soi. Oui, qui fait que le nom passe vraiment ouais. Deuxième. Ouais, c'est genre ça. Un serpent dans le cou. Serpent. Oui. Un gros serpent dans le cou. Ah oui. Comme salut à Britney, là. Oui, Julie Surprenant, mais check. Mais check. C'est ça, ça passe tout c'est droit. C'est quoi les petites affaires? Je te présente là. Alexandre Livernoche, mon bois constructeur. Yeah, oui. Mais ceux qui. Les petits papiers qui font brûler les magiciens, là. Oui. Oh, ah oui. Un peu de fumée. Oui. Ça marche tout le temps. Je m'appelle Julie Surprenant, mais. Oui. C'est hein? Passé maintenant. Ah, ou. Tu sais, c'est comme les gens qui se prennent beaucoup au jeu des grandeurs nature, tu sais. Genre, oui, c'est mon nom, mais je suis également Lucilla, prêtresse des abysses. Là, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Excuse-moi, j'ai volé ton nom de grandeur nature. Là. Il y a toujours se faire tatouer. Non, moi, c'est le baron Van Jonathan. Ah, oui. Ouais. un des mages les plus épeurants de Bicoline. Ouais. Baron Van Jonathan, c'est sa profession blogueur Twitch. Oui, c'est bon. Ça. Julie, le tatouage dans le visage ah, oui. Change beaucoup le mal de place. Ouais. Des lunettes. Tatouées. Oui, un mot croisé. Hein, les gens vont être occupés oui. À faire le mot croisé dans ta face. Ouais. Oui. Ou quoi d'autre? Des seins. Des seins tatoués dans le front. Oui. Hey, le tour du chapeau. Une vraie face de tonton. Un, deux, trois. Oui. Retiré. Oui, ben c'est bon. Okay. Puis là, après, on va avoir un autre problème. Les gens soulignent toujours mon tatouage d'en face. Oui. Oui. J'aimerais qu'il parle plutôt de mon prénom. Ouais. Antoine? Oui, ben, tu sais, des fois qu'on a un handicap ou quelque chose de particulier ou un feu sauvage, t'arrives, tu sais, hey, salut, ça va tout le monde? Je m'appelle Antoine, puis je sais que j'ai un feu sauvage, c'est correct. Bonsoir, Antoine. Je m'appelle Julie Surprenant, et je sais que c'est le nom de la fille là, qui s'est fait enlever. Là. Ouais. Le monde, il réplique pas, moi, ça. C'est vrai. Pas pourquoi j'ai pas... pris l'exemple du feu sauvage. Non, c'est un mauvais exemple. Le feu sauvage, ouais, hein? Ça marche pas. C'est quand tu le dis, tout le monde regarde juste ça. Après, non, mais c'est quelqu'un qui est en chaise roulante. Là. Ah, ben là, c'est. Tu sais, un malaise. Tu fais non, je suis en chaise roulante. Non, OK, c'est pas un bon exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, comme. Pète la ballonne avant. J'ai les cheveux sales, mettons. Puis je sais qu'il me manque un bras, mais j'arrive à vivre quand même. Puer. Puis si vous avez des questions, je vous réponds. Si vous voulez jouer avec le bout, payez-vous. Il n'y a rien qui me dérange. Sentir mauvais. Je sens rien. Sentir mauvais. Ouais, en disant, ben, excusez, je pue, là, je reviens du gym. Là. Non, tu le dis même pas. Ah, okay, les gens veulent juste. Tu sais, Julie, OK, bye. Ils vont l'appeler Julie surpuant. Oui, probable. Oh, t'as fait craquer Boili Boilon. Le technicien. On a réussi. Prochain problème. Julie surpuant. OK. C'est vraiment difficile. Je trouve ça dur parce que, ben, tu sais, on a tous nos histoires par rapport à nos noms. Non, non, mais je veux dire... Oui, mais ça, bouillon de poulet. C'est ça, puis moi, j'en ai eu plein. Puis tu sais, tu fais... Là, justement, passer la trentaine, là, quand quelqu'un te sort le classique que tu te faisais dire dans le cours d'école, tu fais « Hey, le cave. Ouais, ouais, est bonne. » Tu sais, mais... Non, non, tu dis « Hey, man, upgrade tes références. Ouais. » T'es trop pas mature. Ben, sinon, il faut qu'elle se tienne avec des gens de moins de 20 ans. Qui n'ont pas connu. On sait pas quel âge elle a. Bonne solution, ça. Je pense que pour une série de personnes, joli surprenant. C'est... Ah oui, très bon. Le drame, c'est quoi? C'est 99, hein, tu dis? 99. Bon. Ouais, fait qu'elle peut se pogner. On en a parlé beaucoup, là, tu sais. 20 ans, c'est un bon gage. Hein? Ouais. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Oui, c'est une actrice porno. Bon, oui. Ah, c'est ça. Ouh, c'est ça! Créer une autre Julie surprenant qui va topper ça. Wow, belle idée. Wow. Oui, comme ça, ça. Oui. Mais qu'elle-même faire... top l'affaire. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui s'assoit. Ça soit, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait mal. Tu disais Julie surprenant à l'actrice porno. Non, celle qui est disparue. Non, l'actrice porno qui a trouvé un remède pour le cancer. Non, celle qui a inventé une forme de lumière. Elle a vraiment inventé quelque chose d'énorme. Ah. Non, qui a inventé le téléphone. Ouais. FUN. Tout changé. Celle à Call TV. La fille qui a refait le Big Bang. Oui. La nouvelle mathématique, c'est moi. Oui, je suis surprenant. Je suis surprenant. Surpris? Surprenant? Non. Non. Super. Oui, oui. Non, moi, c'est surpuant. Mais le jeu là, du nom dans le front, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Là. Tu sais, tu joues au jeu du nom dans le front. Puis tu l'écris pour toutes les autres. Ça serait drôle qu'ils jouent à ça. Tu sais, ils ont leur nom dans le front. Oh même oui. Ses amis, au lieu de faire dire elle qui est juste là, ils font référence à la fille. Oh c'est celle qui a tué en 98, surprenant. Là, Chris est là. Là, oui, c'est Bastien. Vous auriez pu non, l'actrice porno, mais ça, c'est pas une actrice porno. Non, ben là, on aurait réussi. Non, mais tu sais, si justement, tu. Dans le, à leur insu, les gens qui t'ont vraiment fait. Je sais pas, ils t'ont dit, ah, la personne inconnue. Le voyons. Qu'est-ce que les gens disent? Là, super, on l'a trouvé. Ouais. Tu prends ces personnes-là, pendant qu'ils sont en train de dormir, tu leur écris Julie surprenant dans le front. Okay. Et là, les gens vont leur faire les mêmes répliques. Oui. Ils vont goûter à leur médecine. Ouais. Bonsoir! Mais encore pire, mettons la fille, elle se fait dire des commentaires plates. Elle dit, c'est quoi ton nom? Lui, il dit, mettons, c'est Maxime Rouleau. Fait que là, tu vas dans l'annuaire, tu trouves un Maxime Rouleau. Puis tu le tues. Tu sais, tu fais une affaire immonde à un Maxime Rouleau. Fait que il va vivre un médecin. Tu le tues ta leçon? Ouais. Puis t'immonde. Comme ça, personne ne va oser niaiser ce nom-là. Non, c'est ça. Ça va être terrible. Mais après, tu crées un club des gens qui... Ouais. Oui. On dirait la solution, tu sais, le problème là, d'un psychopathe. Là, une femme qui rencontre un homme au salon funéraire. Vous connaissez cette affaire-là? Non. C'est long à compter, hein? Ouais. Fais ça vite. OK. une femme rencontre un homme au service funéraire de sa mère. Ouais. Elle décide de le revoir. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Fait que si tu réponds « As-tu quelqu'un d'autre? », ça veut dire que tu as comme une mentalité de psychopathe. Là. Genre, je sais pas trop. OK. Je vous avais compté mal. C'est quoi la bonne solution? Elle appelle? Ouais. Elle suit? Elle check le livre d'or. Peut-être. Ouais. Ouais. Mm. Okay. Oui, excusez. Je pensais que c'était. Ou elle se fait un nom pour elle-même. On voit ça parfois, hein, des gens qui veulent se distinguer de leurs parents ou de nettoyer le nom de la famille. Ah, là, ça devient une grande criminelle. Oui. Ça, c'est un premier réflexe. Elle-même pourrait devenir une grande actrice porno au lieu de. Mais il y en a qui changent, qui créent des nouvelles branches. Il y a des gens qui ont mergé leur nom de famille avec le nom de famille de leur conjoint pour créer un nouveau nom de famille. Oui, oui, oui. Les prénoms, ça donne des choses magnifiques. Oui, oui. Mais Samuel Noël. Oh. Mais il reste que... ou des fois, c'est pas nécessairement merger, mais un choix commun d'un nouveau nom. Ouais. À faire à partir de maintenant, c'est ça notre famille. Ouais. Mettons, elle se poigne un Gélina, ben ça pourrait être Julie sur Lina. Exactement. Ça me plaît, ça. Puis faire la porno. Oui, ça marche avec la porno. Oui, puis let's go la porno, non? Pourquoi pas Gélina? Gélina. Ouais, c'est subtil. J'ai prenant. Vergina. Oh! Ça, je pensais à mon nouveau ouais, nom. Ouais, ouais, ouais. Je comprends. Ouais. Moi, c'est pour moi. Vergina. Ah, ouais. Ça pourrait être le nom de votre union dans un journal à potins. Là, qu'est-ce qui se passe du côté de Vergina? Ah oui, on va les accrocher, les gens. Brangelina. Ou panique, là. Les gens parlent de panique. Là. Ouais. C'est qui ça? Patrick Huard et Annick Jean. Panique. Clairement, panique. C'est pourri. Panique. Les clourissettes. Ça va bien. J'ai entendu les clourissettes. C'est bye-bye, ça. C'est leur gag. Les clourissettes. C'est vrai. C'est clairement les mortiers. Ouais, c'est mieux que les mortiers. Ouais, c'est ça. C'est clairement les mortiers. Ouais. Bon, ben, on a un concours en plus. Oui, oui, oui. Ouais, que... Mais on dirait que la solution, tu sais. Tantôt, t'avais de quoi qui s'approchait de ma solution préférée, Antoine, je pense. C'était quoi, loin, donc? Hein? C'était... De se tenir avec des gens en bas de 20 ans ouais. et ouais, de ouais. devenir une actrice pour et de loin, je te le ouais. donne, Antoine. Ouais, il y a ça. Je te donne ma carte verte avec une blague dessus. Wow! Vas-y. J'ai pas mis lunettes. Ouais. Mais il y a aussi... Cher, Antoine. Qu'est-ce qui t'écrit? traduire son nom. Traduire son nom. Mais continuons à y penser ouais. parce que pendant ce temps-là, on va donner le prix... Non. Pour le concours, pour changer le monde. Donc, je vous rappelle. Je viens de penser que pour vrai, là, elle pourrait s'appeler J. Ulysse Urprenant. Tu sais, le nom ouais. Ulysse. Là. Ouais. J. Ulysse Urprenant. Urprenant. Ouais, c'est ça. Fait que J. Ulysse Surprenant. C'est bien, ça, j'en préféré. J. Ulysse. Oui, ça se peut presque. Mm. Alors, le prix, comment changer le monde avec le moins d'efforts possible? On a eu vraiment, je vais vous le dire officiellement, on a été très déçus. Mm. Pourquoi, Fred? Pourquoi on a été déçus? On s'attendait à plus de participation pour gagner un T-shirt small vintage de Pas de problème. Cool, ouais. Deux nouveaux T-shirts qui seront disponibles au mois de mars. Mais non, mars ou... J'avais dit mars, hein? C'est pas pour fun. Le concours, hein, suivez donc. Oui, c'est ça, mars. Une photo de nous quatre. Waouh! Autographié, un slogan du publiciste Mathieu Bouillon. Waouh! Pour souligner votre anniversaire. Un message de boîte vocale fait avec la voix veloutée d'Antoine Vézina. Un MP3 de répliques et interjections loufoques de Jean-Philippe Durand. You, shoo, Et voilà, il est fait. Tout le monde là maintenant. J'ai fait le tour. C'est la bingue, madame. Bonne soirée, monsieur. Hé, crosti. Le livre, le manuscrit autographié par moi-même. Voilà. Ouais. Donc, écoutez, je vous annonce qu'en troisième position, nous avons... Attendez que je le retrouve. Voyons. Il y avait une mention spéciale L'attention ici. Attention, il t'a coupé le souffle. Oui. Il y avait Stéphanie Perron qui a dit « La fin de Campai est déjà un bon début. » Oui, OK, bon. Mais ça ne gagne pas, ça. Non. Deuxième position, Éric Richard se mettre sur le cas de quelqu'un et changer son monde. Oui. Ah. Ça peut être fait de bien des façons, au grand jour, ange gardien secret, proche ou loin, financièrement ou non, etc., selon votre cible, ça ou des chats qui bavent. Oui. Avant de nommer le gagnant, il y a eu un prix hors concours, un prix coup de cœur, on doit dire, qui a été donné à Danielle Proulx. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit, non? Elle a fait aucun effort. Ouais. Imagine, oui, elle dormait dans une assiette de lasagne. Mais imagine, là, elle, quand elle se présente, elle dit « Je m'appelle Danielle Proulx », puis là, les gens font « Ah, comme la fille qu'on niaise dans Pas de problème? Oui, c'est clair. Comme Danielle Groux? Non, ça, c'est pas... Ça, c'est pas... Ah, c'est drôle. OK. Et la gagnante? Très terre à terre, mais écoutez, on avait quand même des prix à donner. Ouais. Maud Laurier. Maud Laurier. Bravo. Il y a des organisations comme Équiterre et Greenpeace qui ne veulent que ça, changer le monde. 10$ tous les mois, bien assis dans son divan, peu d'efforts, beaucoup d'effets. Effectivement, c'est peut-être pas la plus inventive, mais là, hein, vous forcerez la prochaine fois. Ouais. Ouais. Vous forcerez en faisant des dessins de t-shirts. Oui. Ah! Ça, c'est pas fini. Oh oui, c'est pas ça fini. Ça commence. À quand la salopette en jeans? On la promet depuis un an. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. N'importe quoi pour changer le maudit t-shirt Antoine. Lui, aujourd'hui, je le trouve vraiment offensant, le slogan. Ben voyons donc, comment ça? Garde, je suis même pas capable de le dire moi-même tellement je suis choqué. C'est pas parce qu'il y a un dessin dessus. Ce col en V là est inacceptable. Hey. Ben donc. On voit tout ton nombril. Ben oui, mais là... Il ouvre comme un veston ouvert dans le bas. Il n'est même pas attaché dans ça. Le bas. Regarde, il n'y a même pas ce slogan dessus, puis je suis choqué. Alors, pour les gens qui écoutent encore, le concours de design de t-shirt est jusqu'au 14 mars. Allez sur un nouveau t-shirt pour Antoine. Donc, allez-y, participez. Bravo à Andy Boucher qui se donne. Oui. Et les autres. Mais les bouchées doubles. Oui. On en a d'autres aussi, là. Sacha Audet qui nous a donné un beau vendredi. Ouais. Donc, lâchez-vous lousse. Et voilà. Donc, messieurs, la solution préférée. On les a dit. Jules Ulysse, surprenant. Hein? Puis toi, t'as dit que c'était le fait d'avoir des amis jeunes. Moi aussi, je dois t'avouer, c'est Antoine. J'ai trouvé sa solution sensée, sensible. Vous êtes smart, les gars. Magnifique. Donc, merci d'avoir participé, messieurs. Merci à toi, Fred. Oui, solide. Excellente production. Oui. Vous avez des problèmes, des remarques ou des commentaires, allez sur Facebook, trouvez-nous, ou par courriel, pas de problème, @gmail.com. Et sur Twitter. Hey, j'avais oublié de le mettre sur Twitter. Non, mais surprenant. Ouais. On aurait eu des bons. Ouais. Je vais essayer de le mettre, on le verra la semaine prochaine. Ah, c'est une bonne idée. OK. Ouais, le mot de la fin, monsieur. Oui, vous avez un problème, nous avons un podcast.